بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Par le jour montant, par la nuit et ce qu'elle voile, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni dédaigné. La vie de l'au-delà vaut mieux pour toi que celle d'ici-bas. Ton Seigneur te comblera et tu seras satisfait. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a accueilli, trouvé perplexe et t'a guidé, trouvé démuni et t'a enrichi. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Évite d'opprimer l'orphelin. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ou de rudoyer le mendiant. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Proclame les bienfaits de ton Seigneur.